Refrain, quelques principes avant le refrain. En son nom j'ai demandé le refuge, qu'il me pardonne pour ce que je vais refaire. Prie pour éviter la rafale, prie pour éviter la rafale. Prie pour éviter le mal, la balle ou le gueule ou le poisson de rafale. Je me réveille dans un raffut, immigré dans un rafio. Malheureux je m'endors à peine, malheureusement j'en raffole. Le guetteur crie l'air affolé, dans le bloc mais y'a plus rien à faire. Plus rien à voler, c'est l'époque et j'en ai plus rien à foutre. Et le regard de ma maman me ramène à la tour 1. Au tournant, honnête, mais je me fais détourner. Oh merde, ils nous font une tornade. C'est la merde, trois attaques dans la journée. Pas de bif ce lundi, elle est pour moi. Ravitaille, je fais ma deuxième tournée. Je liquide ma paye en une semaine ou je nique ma vie en une journée. Cousin, habitué à donner quand je reçois. Habitué à donner dans le bon sens. Habitué maman est dans le besoin. Apprends ta pute, fais des bisous. Pour elle, tu brûles la ville. Reprends le bis, bien sûr qu'elle se brise. Mes taxes sont boules dans le viseur. Réveille-moi, réveille malhonnête. J'compte les billets, mal hommage. J'compte retourner dans le même bâtiment comme une marionnette. Mon rêve de gosse, au fond, c'était juste d'être comme tout le monde. J'ai mal au cœur, le doublon me fait mal au roumain. Je veux plus qu'ils m'aiment, j'ai le souvenir qu'ils sont partis vite. J'ai bouteille pleine, ouais. J'ai quartier vide et j'ai mal à la tête. Personne ne m'attendait, personne ne comprend. Je m'entête, je me tape avec des bandits. Cousin, le but envoie depuis qu'on s'est fait tout seul. On a mangé des pierres et puis la poussière. On a cassé le bloc, on fait la boussole. Député politique perd la boussole. Cocaine dans les soirées mondaines. Coquine me demande de monter quand je regarde ce qui se passe dans le monde. En Asie, en Afrique, c'est le bordel. À Marseille, tout le monde a le port d'armes. Storné, paramilitaire, mon frère, on arrive sur la hornette. Cornet, mon rebeu, il faut que je te parle. Moi, la main, il faut que je te dise. Mon amour, il faut que je les blesse. Guitariste et 22 biches, bande de chemettes. Il faut les hommes, et voilà qu'ils en parlent au Schmitt. On aurait pu se débrouiller dans la vente de schmack. On aurait pu se débrouiller dans la vente de shit. On va s'en sortir, sans sucer. Gros succès, sans souci. Gros sasem, assassin, sarrasin, rassasié. Réveille-moi, réveille malhonnête. J'compte les billets, mal hommage. J'compte retourner dans le même bâtiment comme une marionnette. Mon rêve de gosse, au fond, c'était juste d'être comme tout le monde. J'ai mal au cœur, le doublon me fait mal au roumain. Je veux plus qu'ils m'aiment, j'ai le souvenir qu'ils sont partis vite. J'ai bouteille pleine, ouais. J'ai quartier vide et j'ai mal à la tête. Personne ne m'attendait, personne ne comprend. Je m'entête, je me tape avec des bandes.